Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Espace sans mesure, Antitube, Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, La Rotonde, Société de la Rivière Saint-Charles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Time is now. We will build our world. Too late. This ancient heart's not forgiving. Then finding you told me. CKRL, communication, culture. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. La Nine Quasi présente Seb's Music Shop de Sébastien Plante, chanteur du groupe Les Respectables. Accompagné de son drum de style New Orleans et de ses guitares, il revisite ses différentes influences musicales. Seb's Music Shop en solo, le samedi 14 septembre, à la Nine Quasi dès 21h. $20 en pré-vente, $25 à l'entrée. Billets disponibles à la Nine Quasi ou via lepointdevente.com. Ninkasi.ca, 18 ans et plus. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Les sessions de La Fabrique présentent Cristobal Valence. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Durant les vacances, la relève artistique vous donne rendez-vous. Le collectif Le Cru danse sur la promenade Champlain dans le cadre de leur projet « Ce qui reste ». L'artiste en art visuel Rosalie Gamache expose ses portraits doubles à la bibliothèque Claire Martin. La compagnie Théâtre pour pas être tout seul présente leur pièce « Poulet tipotelé » dans un parc près de chez vous. Pour tout savoir, suivez la page Facebook de Première Ovation. Cet été, découvrez le talent des artistes de la relève. Du 6 au 9 septembre, le Festival celtique de Québec est de retour au domaine de Mézeray avec une programmation riche et festive pour toute la famille. Venez voir les concerts traditionnels celtiques ou folk, démonstrations de danse, reconstitutions historiques, conférences, dégustations de whisky et de bière ou encore la fameuse compétition sportive des Highland Games. Une foule d'activités gratuites à thématique celtique à ne pas manquer. Rencontrez des créatures mythologiques dans l'espace des enfants. Arborez votre kilt et laissez-vous porter par le son des cornemuses et des traditions nordiques. Le Festival celtique de Québec du 6 au 9 septembre. Consultez toute la programmation sur festivalceltique.com. Le Festival celtique de Québec est présenté par McCausland avec le soutien de la Ville de Québec et Patrimoine Canada, Cécile Duperron et Camaille Événements. Et bonsoir les amis. Donc, vous êtes à CKRL 89.1 Québec et vous êtes en compagnie de Bruno, France et Jean-François. Et bien, durant cette première demi-heure, on a entendu du Eden Song avec Years in the Gardens of Year. Et la pièce qu'on a entendue, c'est The Atman Apocalypse. Et après, ben, vous avez sûrement reconnu All Traps on Earth, un très bon album qui mettait en vedette trois membres d'Anne Lagarde et la fille d'un des membres. Donc, on poursuit avec The Windmill et la pièce Storm. Et on vous revient tout de suite après en micro. We'll be right back. a single file and sleepwalk, sleepwalk nightly. So all the dreaming people arriving in their line, whilst Eve remains in. From the skies, they supervise, so am I being ominous, or don't you think they notice us just pieces in their game? But she's out there wailing, beware the sun. Father left us far away, but always we're crawling back. Trust me, we are past between where something real is happening. Down the rabbit hole to find the tracks. Those hypnotizing mesmerists, the greedy black ops alchemists. Disinformation, it's theirs to share. To stow away, I'll hide you there. Deceived, nothing is broken. again and everything clears. We're all here together, together. CKRL, communication, culture. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre au 418-640-2575, poste 201. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Jessica Leb, directrice de la programmation. Ce mardi 3 septembre, CKRL dévoilera sa programmation automne-hiver 2019-2020 de midi à 13h30 en direct du studio Denis Barry, fraîchement rénové. Soyez des nôtres pour rencontrer vos animateurs au 405 3e Avenue et assister à la prestation de Lily Thibaudeau. Et n'oubliez pas, si vous devenez membre de CKRL d'ici le 3 septembre, 13h, vous courez la chance de gagner un panier certificat cadeau d'une valeur de $300. Une collaboration de Brasseurs sur demande et de la boîte à pain. La terrasse de la Korrigan a fait peau neuve. Venez découvrir la version améliorée de cet îlot de fraîcheur en plein cœur du quartier Saint-Roch. En journée, pour le 5 à 7 ou pour profiter des longues soirées estivales, la terrasse de la Korrigan est un incontournable. En famille ou entre amis, venez déguster une bonne bière artisanale et manger un nos plats concoctés avec des produits frais et locaux, tout ça au soleil et entouré de verdure. La Korrigan, 380 rue Dorchester, accès à la terrasse via la rue Saint-Joseph. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Athéna, de la succursale de Saint-Roch, vous suggère « Corps à corps » par la Corps féministe aux éditions Remis-Ménage. À la fois source de référence et passage de réflexion, c'est un ouvrage à lire et à consulter pour apprendre, démystifier, remettre en perspective la sexualité des femmes. L'occasion de s'ouvrir à d'autres réalités tout en posant un regard différent sur la sienne. Et Caroline de la succursale de Loretteville vous propose « La quête d'Albert » d'Isabelle Arsenault aux éditions de La Pastèque. Une plage et le soleil couchant sur la mer, voilà l'endroit idéal pour lire. Un album doux et lumineux où une ruelle du Mile End vibre et s'anime grâce aux enfants qui la fréquentent. La librairie Pantoute, une librairie indépendante à visiter dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et à Loretteville. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et image. Audiolite.qc.ca. Eh bien, c'était Fido qui a terminé sa bloc. Vous l'avez sûrement reconnu. Fido Xavier. Mm. Eh bien oui, Fido Xavier qu'on a vu au Festival Terra Incognita, édition 2019. Et c'était toujours extraordinaire. N'est-ce pas? Oui, avec 10 sur la scène, c'est toujours extraordinaire. Ben oui. Puis juste avant ça, ben c'était les Norvégiens de Rufus, deuxième réédition d'un groupe des années 70. La pièce qu'on a entendue, c'est Picture of a Day et cet extrait de Rasfat. Et on avait débuté avec The Windmill, avec leur très bon album Tribus, qu'on aime beaucoup. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Storm. Et on va poursuivre en musique avec Simon House, d'un très bon album qui s'appelle Spiral Galaxy Revisited. On va attendre Fenko. Et on y va en musique avec un choix musical de Bruno. Thank you.

CKRL. Communication, culture. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy... Célébration, Le Coupable, Le Faucon au beurre d'arachide, Fondation, Princesse Mila et le sorcier au cœur de pierre et le programme Kino Québec. Et au Clap Loretteville... Angel Has Fallen, ça, chapitre 2, Princesse Mila et le sorcier au cœur de pierre et l'ultime assaut. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma! Pour la deuxième année consécutive, le Festival Celtique de Québec présente le Festin à saveur celtique sous les étoiles du Domaine de Mézeray le 6 septembre prochain. Ambiance unique, décor rustique, animation. Profitez d'un menu 4 services avec accord mets, bière et whisky. Concocté par l'étoile montante de la scène culinaire de Québec, le chef François-Emmanuel Nicole de La Tanière. Et poursuivant en musique avec le concert de Steve et Ginny Jackson. Réservez vos billets sur lepointdevente.com. Consultez toute la programmation sur festivalceltique.com. Options de restauration et services de bar sur le site. Le Festival Celtique de Québec est présenté par McCausland avec le soutien de la Ville de Québec et Patrimoine Canada, Cécile Duperron et Camaille Événements. Tout le monde a été ou sera témoin d'intimidation au travail. Sauriez-vous quoi faire? Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Le but de ma conférence est de sensibiliser vos équipes quant au savoir-être et au savoir-vivre en entreprise. Ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que le harcèlement en milieu de travail, les différents acteurs impliqués et les ressources à votre disposition. Pour en savoir davantage, visitez intimidationautravail.com ou 418-717-2222. Le Festival de cinéma de la Ville de Québec est de retour du 12 au 21 septembre. Votre popcorn sous la main, vivez 10 jours de festivités remplis de bons vieux classiques, de comédies incontournables, de drames émouvants, de suspense enivrant, de tout! C'est génial! Ajoutez-y quelques parties, des vedettes, des cocktails et des tapis rouges. Vous aurez alors la recette parfaite digne d'un grand festival. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fcvq.ca. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir et invité par le Concorde. Ben Bruno, il réussit toujours à nous surprendre. Moi, je ne connaissais pas du tout le groupe qui vient de jouer, là. C'est-à-dire El Tubo Elastico. On se demande où est-ce qu'il prend ça, toutes ces affaires-là. L'album s'appelle Impala et la pièce était Il Gravido. Et juste avant, c'était Simon House de l'album Spiral Galaxy Revisited. Et bien, ça faisait deux pièces assez longues et dans un style un petit peu space rock. Hein, France? C'est sûr. Eh bien, Michel en avait parlé, Marc aussi. Et il y a notre ami Jacques Dulac qui est déjà arrivé pour l'émission L'autoroute là, qui va avoir lieu tantôt. Et bien, il nous demandait ben, comment vous trouvez les nouveaux studios. Ben oui, on s'habitue. Hein, c'est différent. Et en ce qui concerne les auditeurs, ben ça change pas grand-chose, mais disons que côté artisan, ben c'est différent un petit peu. Et pour poursuivre en musique, il va y avoir le très bon groupe Warbler qui nous avait impressionné l'an dernier lors du festival édition 2018. Là, c'était pas mal meilleur que la première fois qu'il était venu. Bien sûr. Là, ça va être un extrait de « From Silence to Somewhere ». Et on y va avec la pièce titre et ce sera suivi de Moonlighter. Et c'était Warbler From Silence to Somewhere. Et on termine avec le groupe Moon Later. Et bien, merci d'avoir été là. C'était une sélection de Bruno Côté. Merci Francis et Bruno. Restez à l'écoute pour l'émission L'autoroute avec Jacques Dulac. Bonne semaine à tous. Cette émission est disponible en balado-diffusion. 89.1. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. Cet été, sortez au cinéma Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville. Voyez dès le 2 août, Rapide et dangereux présente Hobbs & Shaw. Histoire effrayante à raconter dans le noir dès le 9 août. Angry Birds 2, le 16 août. Le Coupable, le 23 août. Et Playmobil, dès le 30 août. Économisez grâce à la carte AbonneClap. Disponible dans nos deux succursales de Sainte-Foy et Loretteville. Et en ligne. Bon cinéma. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les remparts, le Rouge et Or, les capitales, le sport scolaire et professionnel. Première Loge Sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de Marie-Pierre Gosselin et de nos différents chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30, Première Loge Sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 Première Avenue Limoilou, 418-529-7988. Alimentex.ca. J'ouvre parfois la porte à ce que provoque le vertige. La poésie, je crois que je vais vers elle notamment pour ça, parce qu'elle me déséquilibre. J'étais sûr d'avoir touché l'étoile la plus haute. J'avais vécu 10 000 envols. J'étais un peu astronaute. Tristan Malavoie, à l'affût de vertige, a senti secret mardi 3 septembre à 13h30. J'ai besoin de musique, j'ai besoin de poésie pour accepter de basculer. Tout ce qui attend de là, que toi t'y poses le regard ou le doigt, tout le lourd devenu voltige. Pour la deuxième année consécutive, le Festival Celtique de Québec présente le Festa à saveur celtique sous les étoiles du Domaine de Mézeray le 6 septembre prochain. Ambiance unique, décor rustique, animation. Profitez d'un menu 4 services avec accord mets, bière et whisky. Concocté par l'étoile montante de la scène culinaire de Québec, le chef François-Emmanuel Nicole de La Tanière. Et poursuivant en musique avec le concert de Steve et Ginny Jackson. Réservez vos billets sur lepointdevente.com. Consultez toute la programmation sur festivalceltique.com. Options de restauration et services de bar sur le site. Le Festival Celtique de Québec est présenté par McCausland avec le soutien de la Ville de Québec et Patrimoine Canada, Cécile Duperron et Camaille Événements. La nuit en musique de C. Ça commence à être le temps.